Éclat de lumière sur Fadjet. Amis auditeurs et lecteurs de Lumière en Art, pour l'émission Éclat de lumière, bienvenue. Nous nous retrouvons en ce mois de mars et nous allons vous proposer un certain nombre de temps forts dans le cadre de l'agenda. Alors, parmi ces temps forts, nous avons fait une sélection de grands événements qui nous ont paru intéressants et qui concernent un public très très large. Alors, tout d'abord, nous ne pouvions pas oublier un grand événement à Villers-les-Nancy pour le Théâtre de la Roëlle, puisqu'on a les festivités du 50e anniversaire du Théâtre de la Roëlle, occasion de rendre hommage à son président actuel, mais qui a été la cheville ouvrière et le pionnier en théâtre, qui est Patrick Schoenstein. Et nous aurons donc un événement du 25 au 29 mars sur différents lieux. Le Théâtre de la Roëlle, donc pour ceux qui connaissent, dans le Vieux-Villers, le Caveau, pour Madame de Graffigny, et puis les Écraignes sur différents lieux. Alors, on vous conseille vivement de réserver, c'est important. Ensuite, parmi les événements qui ont été sélectionnés dans le Grand Nancy, à Vendeuvre-les-Nancy, Vent d'influence, donc pour cette édition 2025, et nous aurons le plaisir tout à l'heure de donner la parole à Jackie Johannes, artiste photographe qui fait une exposition à la ferme du Charmois à Vendeuvre jusqu'au 23 mars et c'est un coup de cœur du magazine Lumière en Art. Bien sûr, notre partenaire Théâtre de la Foucotte continue ses représentations, nous avons fait une petite sélection et surtout nous vous conseillons le spectacle, la pièce Un robot pas comme les autres le dimanche 6 avril. Ensuite, un petit clin d'œil, René Russo était parmi nous il n'y a pas longtemps pour l'émission précédente pour la compagnie Branle-Bas de Combat et vraiment le public plus enseignant, éducation nationale qui a assisté à la représentation au lycée Chopin était enthousiaste et soyez patients, vous avez été nombreux à nous contacter, vous pourrez découvrir leur spectacle de Commedia dell'arte lors du prochain événement à Tomblaine. Aux actes citoyens, donc ça approche, pour les comédiens chassés de Paris, et ça sera un bel événement. Bien sûr, un clin d'œil également à l'édition 2025 de La Foire Attractive, puisque nous aurons l'occasion d'en reparler, avec un focus sur les métiers. D'autant que un événement important a eu lieu pour l'univers du monde forain, puisqu'il a une reconnaissance au patrimoine immatériel de l'UNESCO, ce qui était un souhait, et nous avons fait partie des petits grains de sable qui avons agi pendant des années pour avoir cette reconnaissance. On les félicite et on aura l'occasion de vous parler des contenus de cet événement. Et puis, pour terminer, il y a bien sûr le 7e art, le cinéma, avec à Épinal un événement intéressant. 7e art, deuxième édition d'Épinal fait son cinéma prochainement du 18 au 23 mars, notamment à Ciné-Palace. Il s'agit de la deuxième édition, il y a une trentaine de projections, il y a nombreuses avant-premières, des ateliers, un gros travail qui est fait avec les jeunes publics et l'éducation nationale qu'il faut saluer. Également un temps fort avec une rencontre exceptionnelle avec Zabou Bretman et surtout la venue de Costa Gavras que nous affections tout particulièrement. C'est important et on vous le signale. Donc participez nombreux. Ciné-Palace à Épinal, on vous a donné les dates. Et c'est un événement qui est organisé par Imagest et on vous propose de retrouver l'interview puisque nous avons eu la chance de rencontrer l'homme qui est à l'origine de cet événement cinéma en Grand Est, qui est Guillaume Poulet, directeur d'Imagest, à retrouver sur le magazine Lumière en Art, donc www.lumièreenart.fr, et puis nos réseaux sociaux, comme d'habitude, notamment à travers les relais Facebook. Éclat de lumière sur Fadjet. Bonjour Jackie Johannes. Bonjour. Bienvenue sur notre antenne. On va parler de Jackie Johannes parce que beaucoup d'anciens le connaissent pour ses qualités de photographe. Quel est le parcours, quel est votre parcours, Jackie, pour arriver à cette, image de photographe qui est surtout les bons moments nancéens, qui immortalise les bons moments nancéens? Ben en fait, le parcours, il est des fois, il a été très amateur. Et puis après, j'ai continué un petit peu, mais avec les photos de spectacle, puisque je suis un fervent passionné de jazz. Donc en 73, quand le festival de jazz a commencé, c'est là que j'ai commencé des photos, tout en travaillant en sidérurgie. Et j'ai côtoyé aussi le théâtre mondial. Donc de cette partie-là, dans toutes les parties 70-80, ça a été des concerts de musique, du théâtre contemporain. Et puis après, la sidérurgie n'a plus voulu de moi. Alors ils m'ont quand même payé 3 ans d'études photo. Et à partir de là, j'ai été donc professionnel. Et puis après, j'ai fait les couvertures de quasiment toutes les activités culturelles qui s'est passé à Nancy et même dans le Grand Est, disons. Et donc, c'était la passion de la musique de jazz. Donc, j'ai couvert les 50 ans, le théâtre mondial sur 15 ou 20 ans. Et puis, j'ai aussi fait toutes les musiques actions sur Malraux depuis 87 jusque maintenant. Donc, tout ce qui est... En plus, les spectacles de rue, enfin, tout ce qui est artistique, donc que ce soit des troupes amateurs, des grands noms de la musique, comme Ray Charles par exemple, pour ne pas citer lui. Donc, si vous voulez, je suis un peu frustré parce que je peux pas tout voir, parce que je suis un fanat de culture et de découverte, quoi, aussi bien en musique qu'en littérature, en cinéma, cinéma un petit peu moins, mais disons que la musique, que ce soit l'opéra, j'ai une passion pour la calasse, et donc voilà quoi, donc tout est mêlé, et puis la lecture évidemment, je lis énormément. Alors quand on est un homme de culture et quand on aime surtout le spectacle vivant et qu'on est photographe, est-ce que dans une école de photographie, on apprend finalement à figer le spectacle vivant, l'art vivant, parce qu'un concert, une pièce de théâtre... Non, en fait, le problème, c'est que quand on est à l'école, ils nous apprennent la technique. La technique, après, une fois qu'on l'a absorbée, il faut l'enlever pour pouvoir... composer, même quand on photographie des natures mortes, après il faut travailler l'imaginaire, la sensibilité et tout. Et puis, en ce qui concerne les photos de spectacle, à ce moment-là, comme on est en symbiose avec cette musique, après c'est des instants, c'est des émotions qui font qu'on déclenche, qu'on va choisir une telle photo, un portrait. Donc c'est toute cette partie-là qui aiguise la sensibilité. Donc en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, si un spectacle ne vous plaît pas, les photos seront pas bonnes. Elles seront, des fois, j'en ai pas fait. Du tout. Voilà, donc si Jackie est venu à votre spectacle et qu'il n'a pas fait de photos, c'est que vous ne l'avez pas touché au cœur. En gros, c'est ça. C'est ça, voilà. Absolument. Bon. Quels sont les moments les plus forts de votre carrière? Alors, on parlait du NJP qui a plus de 50 ans. En fait, voilà. Le problème, si vous voulez, c'est que le jazz, je les écoute depuis l'âge de 13 ans et j'écoutais sur les platines des grands musiciens et à partir de 73, j'ai pu les voir sur scène, les approcher et même être très ami avec eux. Donc c'est quelque chose de formidable, quoi. Maintenant, ce qu'on peut plus faire parce que on nous éloigne de ces musiciens qui sont demandeurs, mais il y a des barrières qui font qu'on peut plus les approcher, on peut plus discuter avec eux, on peut plus rien faire de ce niveau-là. Alors, pour ceux que vous avez rencontrés, est-ce qu'il y en a qui ont été fidèles, qui ont même dépassé l'image qu'on pouvait se faire d'un artiste? Voilà, pour quelqu'un qui serait fan de peu importe l'artiste, qui finit par le rencontrer, on met la barre tellement haut dans son imaginaire que quand on le rencontre, quand on échange, ça peut être une explosion. Le problème, c'est que c'est toujours la même chose. Les artistes sont des hommes. Donc, en fait, c'est comme un peintre. Donc, si vous voulez, si on aime son œuvre, on peut très bien ne pas aimer l'homme. Parce que... Et ça arrive. Oui, j'en ai rencontré. Donc, j'ai essayé de les approcher. Et puis après, bon, j'ai laissé tomber, quoi. Et à contrario, est-ce qu'un artiste dont les productions sont correctes, moyennes, ne nous touchent pas, et puis on rencontre une personne attachante, avec une grande sensibilité, et on finit par peut-être comprendre davantage ce qu'il a voulu produire, que ce soit de la musique, de la peinture ou de l'écriture, d'ailleurs, peu importe. Tout à fait. De toute façon, c'est une question après de relations d'homme à homme, quoi, si vous voulez. Alors, quelle était la rencontre la plus marquante, parce qu'on a entendu là déjà quelques noms d'artistes. Voilà, quel est l'artiste par excellence? C'est difficile à dire, hein, parce que je les ai toutes admirées. C'est une question que je peux pas répondre. Donc je tends le joker. D'accord. Mouloud. Oui, j'ai quelques questions à poser vite fait. Bon, moi j'ai une grande mémoire du festival. Il y a eu 73, 75, 77. Je crois que les meilleures années c'était jusqu'aux années 80. Après, il y a eu plutôt un festival de musique qu'un festival de jazz, un pourcentage bien plus important dans le jazz. Alors, il y a une bonne année, 77, je ne sais pas si tu te rappelles, mais quel est le groupe entre Sam Rivers et puis Archbishop, je ne me rappelle plus si Archbishop il était venu à l'époque là. 75, je crois Sam Rivers c'est 75, c'est ça. Non, Sam Rivers 77. Avec toute sa Love Generation. Love Generation. Oui, voilà. Sonra, je ne me rappelle plus en quelle année. 73, normalement. Oui. Quel est le groupe qui t'a le plus marqué, justement, comme on disait, sur la sensibilité, la chaleur humaine du musicien? Le problème, c'est 73 avec Sonra, parce que moi, je le connaissais pas. Je l'avais un peu entendu, mais là, c'est la découverte de son concert du dimanche qui a fait la clôture de 73. C'était une explosion, une découverte sensationnelle, quoi. T'es devenu, en fait, le principal, je pense, le principal photographe de NJP. Je ne sais pas si c'est un discret ou pas de te demander qui t'a plus ou moins introduit, comme photographe, qui est devenu indispensable, quoi. Eh ben, en fait, le problème, c'est qu'en 73, j'avais acheté mes places, hein, puis alors j'ai fait tous les concerts avec mes appareils photo. J'avais deux sacs pleins. Et puis, début 74, il y avait un ami qui s'appelait Daniel Eugé, qui est décédé du Covid. Et il était copain avec Xavier Broquière. Et Xavier Broquière cherchait, justement, en début 74, des photos du NJP. Et c'est comme ça que grand merci d'avoir pensé à Daniel Eugé. C'était le mec que j'ai connu, donc qui était le plus sympa, qui était un petit peu discriminé, qui était animateur de radio à l'époque là, qui avait une belle émission de musique, de jazz surtout. Oui, oui. Et s'y connaissait beaucoup plus en jazz que certains de l'époque qui étaient au commande. Tout à fait. Merci pour cet hommage à Daniel Eugé. Je voudrais revenir sur la photographie et peut-être un peu sur la technique, parce qu'on a peut-être des auditeurs qui sont amateurs de photos. Alors aujourd'hui, avec le numérique, c'est plus facile, mais à l'époque du siècle dernier, on va dire ça comme ça, on était en argentique, on fait beaucoup de photos. Et finalement, on n'en garde que quelques-unes. Il y a des modes aussi, des manières de cadrer. Il y a des choses qui se font différemment qu'ils ne se faisaient pas il y a 20 ou 30 ans ou 40 ans. Comment on choisit sur une série de photos, sur un concert, sur un spectacle de théâtre, comment choisit-on les photos qui vont être publiées, qui vont être éditées? Ben en fait, le problème, c'est que je suis passé de l'argentique au numérique, mais j'ai pas changé ma façon de faire, parce que je me suis toujours référé aux grands photographes tels que Sieff, Doineau, Cartier-Bresson et compagnie. Donc ils dictaient une esthétique que j'ai toujours voulu garder et que j'ai toujours gardé en numérique. C'est-à-dire qu'en fait, on retrouve toujours la façon de cadrer, la façon de prendre des photos, elle est identique. Sauf que bon, la technique a évolué. C'est sûr que quand on travaillait l'argentique, il fallait avoir des connaissances un peu en chimie, donc chose que j'ai apprise donc pour bricoler les bains révélateurs et tout ça, quoi. Et est-ce que ça existe vraiment? On sort de la période des Jeux Olympiques, ça me fait penser à ça, où il y a eu quelques photos qui vont, je pense, rentrer dans l'histoire, qui ont été prises finalement, j'allais dire presque par hasard, où en fait, le fraction de seconde où on appuie sur le déclencheur, c'est la bonne fraction de seconde et on capture un instant unique. Est-ce que des photos comme ça, Jackie, il y en a beaucoup dans vos albums? Bah, il y en a, oui, un certain nombre. Parce que le moment juste, en fait, quand on travaille en numérique, on n'est pas limité par le nombre. Donc, on va faire, à la limite, on peut faire des séries. Alors qu'en argentique, c'est beaucoup plus posé. Donc, il fallait déjà connaître l'ambiance, laisser l'ambiance monter. Et voilà, quoi. Et puis, alors, au fur et à mesure, quand on voyait plusieurs fois un musicien, eh ben, on connaissait un peu ses mimiques. Donc, on surveillait pour justement avoir ce cliché qui dénote des autres, quoi. Ouais, qui marque finalement. Ouais. Voilà. Ouais, finalement, le numérique, c'est aussi un gain de temps parce qu'avant, il fallait développer dans la nuit pour pouvoir, oui, tout pour à fait. Pouvoir envoyer ça effectivement. Ouais. Maintenant, allez hop, tout à fait. Envoyé effectivement par les ondes et ouais, c'est oui. Tout de suite reçu instantanément. En même temps, on détruit plus facilement. Deux petites news d'actualité, Jackie. Vous pourrez d'ailleurs avoir un petit aperçu sur Lumière puisque c'est en ligne depuis dimanche. L'exposition de Jackie Johannes, donc actuellement peut-être découverte à la ferme du Charmois à Vendeuvre-les-Nancy jusqu'au 23 mars dans le cadre du festival Vent d'Influence. Et puis un projet sur le moyen terme où, en hommage à l'artiste Roland Grunberg, il y a différentes animations qui sont prévues et on reparlera entre autres de Jackie puisque le seul film qui a été réalisé sur la vie et l'œuvre de Roland Grunberg sera présenté au public en entrée libre normalement avant l'été. Voilà, c'est la première fois et on pourra faire un petit voyage au pays des arts de la marionnette, du théâtre de la marionnette, puisqu'on était quelques-uns dans Lumière à rencontrer Jackie depuis ce moment-là, avec Roland Grunberg pour beaucoup d'événements artistiques, de théâtre de marionnette. C'était une belle période et donc on retrouvera Jackie à cette occasion-là. Est-ce que Jackie, vous pouvez nous parler de cette exposition qui fait un tabac? Votre actualité du moment? Oui, en fait, depuis une vingtaine d'années, ça aussi, Nathalie Dassy, donc, qui était directrice de l'école de musique, et puis qui est maintenant directrice du service culture de la ville, donc avait envoyé Vent d'Influence et Vent de Jazz. Donc, une année sur deux, il y avait un d'Influence, Vent de Jazz. Et depuis 20 ans, elle a fait, et depuis 20 ans, donc, j'ai fait des photos, et d'une façon systématique, on présente un peu le travail qui est fait par rapport aux différentes troupes qui sont passées. Donc là, l'exposition comporte une trentaine de photos et donc il y a une ou deux photos par groupe qui sont passées. Comme ça donne une panel de ce qui s'est passé l'année dernière et donc ben, pour l'année prochaine ben, ça sera la même chose puisque je fais la couverture depuis le 1er mars du Vent d'Influence 2025. Voilà, alors il faut rechoisir parmi un nombre incalculable de photos, j'imagine, pour monter une exposition de 30 photos. Donc là aussi, il y a des choix, ça doit être un arrache-cœur de monter en fait, des expos. Le problème, il y a des photos qui sont évidentes, puis il y a des photos qui sont un petit peu moins, donc il faut un peu jongler, quoi. Il faut se dire, ah bon, celle-là, peut-être. Hein. Pour ça qu'on a un tri au fur et à mesure, quoi. Puis on égrène, puis il ne nous reste plus que ce qu'on veut présenter. Et puis, c'est peut-être aussi l'occasion d'ouvrir, de mettre des clichés un petit peu plus difficiles à la compréhension pour ouvrir le visiteur à des perspectives, lui ouvrir davantage de fenêtres, d'ouvertures sur l'art en général. On n'y pense pas du tout. Non, j'y pense pas du tout parce qu'en fait, comme le festival de Vendeuve, c'est un festival aussi familial, il est bien certain que j'essaye toujours, là pour cette année, il y a beaucoup de public, il y a des orchestres d'enfants, il y a des choses où c'est que les gens de Vendeuve peuvent se reconnaître. Et puis après, il y a d'autres concerts qui sont, enfin d'autres photos qui allusent des concerts de groupe vraiment pour que les gens puissent les découvrir. Bien, merci Jackie Johannes d'immortaliser des moments en suspension comme ça par vos photos. Merci beaucoup et puis bonne continuation dans votre art. Merci beaucoup de votre accueil. Start to the right, shines in the night for you, to tell you that the dreams you dream really can come true. The second star to the right shines with a light that's red. It's Neverland, you see, it can lead you there. Twinkle, twinkle, little star, so I know where you are, gleaming in the sky above. Lead me to the one who loves me. When you bring up my way, each time we say goodnight, we'll thank the little star that shines, the second star to the right. Éclat de lumière sur Fadjet. Alors aujourd'hui donc à l'émission Éclat de lumière Radio Fadjet, nous avons un deuxième invité donc pour l'émission Éclat de lumière. C'est effectivement un baroudeur de l'Afrique, Afrique du Nord bien sûr, hein, qui se prénomme donc Julien Pêcheur. Alors, je ne sais pas pêcheur l'étymologie du nom, parce qu'il y a un S, il y a pas, c'est un S-C-H. Est-ce que c'était pour différencier du pêcheur avec l'accent circonflexe, pêcheur accent aigu, je crois. Donc déjà sur ton prénom, est-ce que tu connais l'origine exacte ? Mon nom ? Oui, le nom, je veux dire. Ah oui, parce que je suis un passionné des choses... précis, c'est-à-dire que dès l'âge de 15 ou 16 ans, je demandais à mes parents, mais d'où vient-on ? Moi, je ne peux pas imaginer qu'on vive sans savoir d'où on vient. Et ça, c'est très très ancien pour moi. Donc, j'ai commencé d'aller dans les archives de Vesoul, parce que bah, j'étais né dans la région de Vesoul, dès l'âge de 15 ou 16 ans. Pour retrouver, j'ai retrouvé mes ancêtres pêcheurs jusqu'au 15e siècle, à l'époque où on pouvait encore déchiffrer l'état civil. Et donc on est originaire d'une petite bourgade qui se situe à côté de Rio, en Haute-Saône. Mes ancêtres étaient tous des gens de la terre, des ouvriers agricoles ou des manouvriers, comme on disait à l'époque. Donc là, on a un petit peu l'explication du nom, mais là, on va parler un petit peu de ce que tu as créé. Donc, Alors au niveau du pêcheur accent circonflexe ou PES, j'ai remarqué une chose, c'est que mes ancêtres s'appelaient pêcheurs avec un S avant la Révolution, et que pendant la Révolution, on leur a enlevé le S pour remettre un accent circonflexe, et après la Révolution, à partir de 1791, on a repris PES. Donc je crois qu'il ne faut pas trop attacher d'importance à ça. Je pense qu'on est plus issu du piscator, le pêcheur à la ligne, que du pécator, celui qui fait des gros péchés que le Dieu la honote sur son vieux registre. Ok, donc maintenant on connaît effectivement l'origine. Maintenant je dois effectivement parler un petit peu de ce que tu as créé, une société d'édition qui s'appelle Sefraber. Je ne sais pas si elle s'appelle toujours d'ailleurs Sefraber. Je crois que c'est Thomas Lazarek. C'est Fraber n'a pas eu de chance parce que il a fallu changer de statut en 2019. Et donc j'ai refait une société qui s'appelle Thomas Tamazira avec un associé qui est en Algérie. Avec la vraie appellation Tamazir, alors pour ceux qui ne connaissent pas, Tamazir c'est berbère, ça veut dire berbère, c'est un peuple d'Afrique du Nord. C'est le peuple qui part de l'Égypte jusqu'aux îles Canaries et vers le sud jusqu'au pays du Sahel. C'est un peuple d'origine donc qu'on dit berbère, mais eux ils s'appellent pas comme ça. Ils s'appellent Amazir, les hommes libres. Les Amazirs, les hommes libres. Voilà. Donc ton édition, donc elle édite des livres qui sont en deux langues. Donc explique-nous un petit peu cette création et comment c'est né, par quelle influence quel est ton amour pour cette culture ? Alors moi j'ai un problème avec l'Algérie qui date de 1944, donc c'est pas d'aujourd'hui. En 1944, mon village a été libéré par un pied noir de Saint-Eugène à Alger. Et il m'a pris dans ses bras, j'ai les photos ici où il me prend dans ses bras devant son camion. Et curieusement, les familles se sont mises d'accord chaque année pour s'écrire. Et chaque année, pendant une vingtaine d'années, de 1944 à 1960, les familles s'écrivaient pour se donner des nouvelles. Et là-dessus, il y a eu la guerre d'Algérie. 1961, tous les jeunes qui avaient 20 ans n'avaient qu'une envie, c'était de partir faire leur service militaire en Allemagne. Et pour ça, il fallait des pistons. Moi, j'avais pas de pistons, donc on m'a envoyé en Algérie. Et la chance que j'ai eue, c'était de faire mon service militaire dans les compagnies méharistes. Compagnies méharistes, quand j'ai reçu mon affectation, mon père a ouvert le Larousse. Et il m'a dit, oh, mais ça c'est comme la cavalerie, ça n'existe plus, ça, les méharistes avec les burnous, avec les sarouals, c'est fini. C'est tout mécanisé, et en fait non, c'était resté comme à l'époque où on avait voulu conquérir le Sahara, puisque jusqu'en, je crois, 1870, l'Algérie n'était que l'Algérie du Nord. Il n'y avait pas de conquête française parce que les Chambas, les fameuses tribus, empêchaient toute pénétration des forces françaises. Donc il y a un général français qui, à l'époque, a dit, mais puisque les Chambas nous empêchent d'avancer, on va les embaucher comme supplétifs de l'armée française. En créant des compagnies méharistes. Donc ça remonte à cette époque-là, et c'est resté, la tradition est restée. Les méharistes faisaient soi-disant la police du désert. On était sous forme de peloton, 70 soldats, dont deux Européens, l'officier et moi qui étaient radio, et puis le reste, c'était des musulmans, on les appelait comme ça, mais c'était des Algériens, en fait. Avant l'indépendance, on n'appelait pas les Algériens Algériens, on les appelait les musulmans. Et donc, voilà, j'ai eu cette chance, à 20 ans, de quitter mon village et de me retrouver en immersion dans le désert, après avoir fait 4 mois de classe à Fort-de-l'Eau. Et je me suis retrouvé avec un dromadaire. Ça m'a complètement bouleversé, dormir sous une tente tout seul dans le désert. J'étais pas du tout habitué à ça, quoi. Et vivre avec des gens qui étaient très gentils, mais qui ne parlaient pas le français. Et qui faisaient la nourriture, donc il fallait qu'il y ait un climat de confiance, alors qu'on était en pleine guerre. Parce que il y avait des désertions aussi de leur côté, donc il fallait, on avait des gens qui nous disaient sois prudent, alors que moi j'avais aucune envie, ils étaient tellement gentils. Donc voilà, à partir de l'âge de 20 ans, je trouve que le nord de l'Afrique est une région, surtout avec ses déserts, c'est une région qui me satisfait complètement par rapport à la vie que j'ai à Vesoul. Et je reste en contact avec, après mon service militaire, je reviens en Algérie en 1968 sous une forme de bourse de COGEDEP. On avait fait un échange entre une vingtaine de Français et Françaises et vingtaine d'Algériens et Algériennes pour découvrir l'autogestion. C'était l'époque de Boumediene, il avait deux dadas, il avait l'autogestion et l'APC, la commune. Et donc on avait essayé de découvrir ce qu'était devenu l'Algérie indépendante à travers ces deux dadas de Boumediene. C'était très intéressant. Ça m'a laissé un carnet d'adresses. Et puis j'ai fait ma vie en France en restant plus ou moins en contact avec eux. C'était pas comme maintenant, il n'y avait pas les téléphones, il n'y avait pas WhatsApp, il y avait tout ça, il fallait s'écrire, c'était que ça. Et puis les années ont passé, à partir de... Les années 70, j'ai commencé à prendre l'habitude d'aller en vacances en Algérie, j'allais à Sidi Ferruche, plutôt que d'aller en Grèce ou en Espagne. Les jeunes de cette époque-là allaient en Grèce, en Espagne. Moi, je disais non, je vais en Algérie puisque je connais des Algériens. Et on faisait du troc. Ils me trouvaient des appartements, et puis voilà. Et c'est ainsi que, à la fin de ma carrière active en France, je me retrouve, j'avais fini directeur de maison de retraite, donc très inquiet sur mon vieillissement, je me retrouve devant une alternative. Si tu veux pas demain être usagé dans la maison de retraite, oui, un pensionnaire de la maison de retraite, il faut que tu bouges. Et j'ai eu cette chance de rencontrer un Kabyle. C'était l'époque, les premiers salons étaient Yahoo. Je rencontre un Kabyle à qui je dis si t'es en Algérie, tu es un arabo-musulman. Et il me répond, mais si je suis à côté de toi, je te frappe. Alors je lui dis, mais pourquoi? Il dit, je viens de passer presque 60 ans. À l'époque, non, c'était pas 60 ans, mais des années 60 à 2000, j'avais passé 40 ans avec vous et on m'a jamais parlé des Berbères. Et les Berbères ou les Amazigh, pour moi c'est la même chose. Alors il faut être clair là-dessus, c'est l'histoire des Berbères et des Amazigh Elle a commencé à être racontée par Hérodote, elle a été reprise longtemps après par Ibn Khaldoun, et après, la transmission s'est surtout faite avec des grands chercheurs anthropologues français comme Gabriel Camps, comme Servier, comme... Charles-André Julien, qui a beaucoup travaillé dessus. Voilà, et tous ces gens-là, quand on lit leurs livres, ne parlent que des Berbères. L'histoire d'appeler les Berbères des Amazigh, c'est une histoire qui remonte à peu près une vingtaine d'années. Moi, je simplifie les choses, je mets berbère à Mazir, avec un trait d'union, comme ça, je n'ai pas envie de me fâcher ni avec les uns ni avec les autres. Encore actuellement, au Maroc, on a des régions où on dit « mais tu es à Mazir », ils me disent « non, Julien, je suis berbère ». Et si je vais un peu plus loin, je lui dis « t'es berbère », ils me disent « non, je suis à Mazir ». Alors bon, il faut ça, c'est des histoires, en fait, il y a toute une population, c'est des anciens numides. Et puis, il faut pas rêver, tous ces gens-là ont été des tribus qui se sont pas toujours aimées, mais loin de là, on a eu, bien avant, c'est pas les Français qui ont tout gâché, bien avant qu'ils arrivent, il y avait des tas de problèmes dans les tribus, il y avait des tas de problèmes avec les corsaires qui arraisonnaient les bateaux du pape en Méditerranée. Bien avant que les Français colonisent. C'est pas pour ça que je justifie la colonisation. Pour moi, elle n'aurait jamais dû exister. Mais bon. Alors voilà, je me retrouve à l'âge de 60 ans, en retraite, avec quelqu'un qui me dit, mais il y a une civilisation, c'est les Berbères amazigh, et que tu ne connais pas. Je dis non. Ben non, j'avais 60 ans, j'avais vécu là-bas, et ni les militaires français ne m'avaient dit, il y a des Berbères, et ni les Français, pendant que je faisais mes études, ne m'avaient dit. On s'est arrêté aux guerres puniques. Au lycée, on parlait des guerres puniques, mais on ne parlait pas des Berbères. On parlait à la limite des Phéniciens, des choses comme ça. C'est devenu ma passion. C'est parce que j'ai trouvé que c'était injuste qu'une civilisation aussi ancienne. Et quand j'ai découvert, c'est ce que j'ai appelé après le trésor des Berbères, c'est-à-dire, c'est pas de l'argent, mais vous avez un patrimoine culturel qui est extraordinaire. Vous avez dans cette culture, vous avez des traditions qui sont d'une force. Vous avez des... qui ne sont pas connues. Parce que ce sont des choses qui ne sont pas monnayables. Il faut bouger pour les rencontrer. Alors j'ai eu envie de contribuer à cette reconnaissance, à cette renaissance de cette civilisation. D'ailleurs que tout le monde te reconnaît, hein, qu'elle soit dans les deux pays, hein, le Maroc ou l'Algérie. Mais j'ai aucun mérite parce que c'est quelque chose pour moi, c'est mon oxygène. C'est mon oxygène. Si, et surtout la chance que j'ai, c'est d'être entouré de jeunes. Encore une fois, je reviens sur cette période de maison de retraite. C'est ce qui te maintient en alerte. J'ai la trouille du vieillissement. On nous a raconté des mensonges. On nous a dit, quand j'avais 30 ans, vous êtes la civilisation inoxydable. C'est un mensonge. On a vu avec le Covid, l'inoxydable, mon œil. Oui, donc, et puis l'évolution des démocraties actuellement en Europe, voilà, hein, déjà. Il faudrait revoir toutes ces choses-là, et notamment aider les personnes âgées à sortir de leur paramétrage classique. Il n'y a rien de mieux que de bouger. Il n'y a rien de mieux que de travailler. je ne comprends pas les problèmes qu'on a, parce que vraiment... Justement, Julien, là, tu as un âge... Là, j'entends encore alerte, mais... J'ai 84 ans au mois de juin, oui. Voilà. donc, normalement, avec l'âge, on se replie le plus souvent dans son lieu de naissance, son milieu culturel et tout ça, dans son pays. Et là, toi, tu as fait un choix complètement différent de partir déménager définitivement, finalement, au Maroc. Mais Mouloud, c'est pas moi qui ai fait le choix. Ouais. C'est le fait qu'à 20 ans, j'ai découvert qu'être nomade, il n'y a rien de mieux. C'est-à-dire ne rien avoir. N'avoir qu'une tente, une couverture, un plaid et ne pas avoir de viande, ne pas avoir d'alcool. C'est rien. Ce n'est pas un problème, ça. C'est tellement bien d'être libre. La liberté. Oui, Julien, justement, là, j'ai un mot à dire là-dessus. Si effectivement, tu as envie de retrouver cette liberté dépouillée de tout, je ne sais pas, quand tu as été maire dans le sud algérien, est-ce que tu as lu Charles de Foucault avant ou pas? Parce que c'est vrai que ce côté de, comment dirais-je, de s'isoler dans le désert, c'est une forme de liberté qui n'est pas à la portée de tous, parce qu'il faut la supporter et puis avoir une mission à accomplir. Oui, alors je suis issu d'une famille très religieuse. Avant de partir, le curé Deschenaux m'a donné une Bible en feuille de cigarette. Il a bien fait d'ailleurs, parce que quand j'ai vu que sur la page impaire, il y avait le concert de la page paire, quand je suis rentré, je lui ai dit, il y a un problème avec votre Bible, monsieur le curé. Et puis, ça m'a bien servi. Et alors, de Foucault, oui, j'avais lu son histoire. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer, après, j'ai eu la chance de rencontrer Jean Christin, qui était un curé à Melizé, près de Lure, et qui avait fait 70 voyages dans l'Atacor. Donc, carrément sur les pas de Foucault. Il avait même un exemplaire du dictionnaire de Foucault, qui était fait à la main avec les Tiflinas. Et son itinéraire, en plus, c'était... Lui, il a commencé par le Maroc et terminé en Algérie. Oh, oui. Toi, c'est l'inverse. Oui, alors lui était d'une famille noble et riche, moi j'étais d'une famille pauvre. Hein. Mais ça ne change rien, ce n'est pas le problème. Le désert, alors que le créateur soit cosmique ou qu'il soit un dieu qu'on prie avec le Coran ou la Bible, ce n'est pas un problème. Le désert nous ramène en face de ce créateur cosmique. Voilà, c'est tout simple. Ou du créateur spirituel des religions monothéistes. Oui, je prends plus la spiritualité comme référent, mais moi j'ai traversé 3 fois le désert et je n'ai jamais eu, comment dirais-je, une liberté que dans la période là, un silence total. Ah, oui. Et tellement total le silence qu'on se fabrique soi-même inconsciemment des sons, des bruits comme ça de la nature. Alors, je ne sais pas s'ils existent réellement, ou alors c'est effectivement mon imagination due à ce silence intégral, vraiment total dans le désert, parce qu'il n'y a pas d'animaux. Et s'il y en a, il y a quelques-uns, ils sont en dessous le sable, la journée, tu ne peux pas les voir, ils sortent que la nuit, les lézards, les serpents, tout ça. Mais moi, c'était vraiment le silence total, et avec la voûte céleste, on voit les satellites passer, les étoiles et tout ça. J'ai jamais connu ça autrement que dans le désert. Ah oui, mais... Jusqu'à aujourd'hui, j'aurais envie d'y retourner, mais il y a tellement d'insécurité dans le Sahel et tout ça que je n'ose plus. Mais pour retrouver cette liberté, un jour quand même, j'y retournerai. Je traverserai ce désert encore une fois. Ah mais je te le souhaite. Moi, je ne sais pas si je pourrais encore revivre ça, mais c'est quelque chose qui m'a complètement changé. Si bien que je ne suis pas attaché aux maisons, je ne suis pas attaché aux appartements. Alors, je suis attaché aux personnes. Je suis attaché aux personnes. Et aujourd'hui, on se demande où va le monde berbère à Mazir. On se demande au niveau de la transmission, notamment de leur langue, au pluriel. Parce qu'il n'y a pas qu'une langue berbère à Mazir, il y a plusieurs langues berbères à Mazir. Car les gens d'une région ne parlaient pas le même berbère que les gens d'une autre région. Entre le Maroc et l'Algérie, il y a de grandes différences. Et il faut les accepter, les différences, et vivre avec les différences, plutôt que d'essayer de standardiser tout. Car l'être humain veut toujours tout changer. Il veut changer le monde, l'être humain, alors qu'il y a des choses, c'est pas la peine de les changer. On se comprend très bien. Oui, le centralisme jacobin a fait pas mal de mal, disons, déjà la France, elle est jacobine, mais je crois qu'ils ont fait hériter ça à l'Algérie, au pouvoir politique algérien, qui utilise finalement le même principe politique que la France, qui est le centralisme jacobin. Oui. Quand je suis arrivé en Algérie en 2000, parce que donc aussitôt que j'ai vu qu'il y avait une culture berbère et à Mazir, j'ai fait un registre du commerce à Tizi Ouzou en Kabylie pour être en règle avec l'État algérien surtout, pour ne pas avoir de difficultés au niveau de la TVA et tout ça. Et donc j'ai découvert tout de suite que L'État algérien avait créé un commissariat, le Haut Commissariat à la Mazirité, le HCA, de même que le roi du Maroc avait créé l'IRCAM, l'Institut Royal de Culture Amazigh, dans les années 80. Tout ça pour parce qu'il y avait des mouvements qui rendaient plus ou moins l'indépendance. Et moi, j'avais pas du tout envie de rentrer là-dedans. Moi, ce qui m'intéressait, c'était faire donner envie aux enfants de retrouver leur langue maternelle. Toujours avec cet esprit, il faut savoir d'où on vient pour décider où on va. Et si on ne rêve pas, si on ne rêve pas avec la langue maternelle, on ne peut pas rêver avec la langue des autres. Imagine-moi, je suis arrivé au monde, c'était l'occupation allemande. Mais je pourrais jamais rêver en allemand. Je ne pourrais pas. Moi, si je rêve, c'est en français. Donc, j'ai cette envie de continuer tant que je pourrais. À aider les enfants à retrouver donc leur langue berbère amazigh. Ça marche pas mal. On change les codes en ce moment. On fait des jeux. Moi je pars au Maroc avec cette idée de faire un théâtre de marionnettes en berbère. Comment ça se fait qu'on n'y a pas pensé à ça? Bien sûr. Là, je te suis. Hein, c'est sûr qu'on pourrait rester toute une journée. Tellement de choses à raconter. Cela dit, on peut revenir éventuellement sur le Maroc et sur la Oui, alors pourquoi je pars au Maroc, si tu veux? Non, je voulais. Tu parlais des enfants, justement. Je rebondis là-dessus. Là, c'est au niveau des enfants, au niveau de la localité. Je crois qu'un livre. Un livre écrit par des enfants de CM1, je crois, dessiné, un livre BD ou je sais pas quoi, de Liverdun. Je pense que les gens de Nancy et des environs seraient intéressés d'avoir ces informations sur ce livre et où il est vendu et... Tout à fait. Alors, dans quelle école a pris naissance, voilà. C'est encore le hasard des rencontres qui m'a fait découvrir ça. Un jour, j'ai Geneviève Thomas qui avait fait un livre, qui est très bien d'ailleurs, Le Doudou de l'Aiglon, qui me téléphone en me disant « Je viens de passer dans une classe à Liverdun » et je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs élèves qui avaient fait de très beaux dessins et qu'ils avaient mis sous forme de bandes dessinées. Mais c'était des bandes dessinées faites sur des petites feuilles de papier ordinaire, et c'était vraiment très, très difficile à lire. Alors je me suis déplacé, en accord avec la directrice, en accord avec les parents des enfants. Donc on a essayé de faire un montage qui tienne la route. Et là on va sortir le 20 mars, donc Les Aventures du Cochon et du Serpent. Alors l'enfant a 9 ans. Ce qui est intéressant, c'est que l'enfant a 9 ans, elle fait parler un cochon et un serpent, en fait, pas pour critiquer, mais pour dire, voilà comment vous vivez, vous les adultes. Oui, c'est La Fontaine, un peu. Oui, c'est La Fontaine par une enfant de 9 ans. Et franchement, j'ai mis un an et demi, toujours en travaillant avec les parents et les enfants. Les parents, j'essayais de les éloigner le plus possible, je ne voulais pas qu'on retouche les dessins. Parce que je veux qu'on garde justement cette... même si c'est pas très très bien, il faut garder cet esprit. L'enfant a beaucoup de choses à nous apprendre. Contrairement à ce qu'on croit, c'est pas les adultes qui doivent apprendre aux enfants. Ils doivent apprendre des choses, des paramètres, pour vivre. Mais on a beaucoup à apprendre. On a beaucoup trop laissé ces choses-là de côté. Les enfants ont un regard sur la société, mais c'est formidable. C'est formidable. Donc, ils sont préjugés le plus souvent, parce que les préjugés, ils sont acquis de leurs parents, mais les enfants, naturellement, n'ont pas de préjugés. Absolument. Donc on va sortir un livre d'une vingtaine de pages, et il va être diffusé, j'espère, dans les librairies à Nancy. Et puis à Liverdun, on essaiera de trouver des points de vente, et également sur le site de Toumast, et à la FNAC, et sur Amazon. Il sera diffusé de façon... normal, classique, quoi. Ouais, j'espère que les Nancéens écouteront l'émission pour pouvoir effectivement l'acheter. Parce que je pense que ceux qui ont des enfants, ça doit les intéresser. Une histoire locale, c'est ce qu'il y a de mieux, justement, pour ses enfants. D'ailleurs, ces dessins, je crois, qui ont été carrément faits des fois dans la cour de récréation. Hein. C'est un peu tout à fait. C'est des petits dessins que les enfants faisaient en cour de récréation. Et puis ils ont relié ces feuilles et ils les ont laissées dans la cour de récréation pour que tout le monde puisse les regarder quand il voulait. Et voilà. Alors, Julien, je reviens un petit peu pour ton édition là. Elle continuera, ou alors tu as un héritier après toi, ou tu continues alors ça, c'est cette curieux, édition au Maroc. C'est curieux que tu me poses une question sur l'héritier, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont au courant. La chance de ma vie, c'est d'avoir rencontré il y a 15 ans maintenant, au SILA à Alger, la seule fois où j'ai fait le SILA à Alger, où un jeune étudiant kabyle est venu me trouver et il m'a dit « Mais qu'est-ce que vous faites là, le français ?» Ben, j'ai dit « Je vends des livres pour les berbères. » Oh, il me dit « Mais vous êtes fou ?» Je lui dis « Peut-être, oui, mais bon... » Et puis, ce jeune-là, il avait 20 ans, il passait son bac. Et on s'est plus ou moins perdu de vue, évidemment. Il a été faire un doctorat de mathématiques aux États-Unis. Et il y a 3 ans, il m'écrit, il me dit, voilà, je viens faire un module à Saclay parce que j'ai vraiment besoin de faire quelque chose au niveau de l'intelligence artificielle. Et donc, j'ai besoin de faire ce module qui est exceptionnel. Et je viens donc étudier à Saclay. Et j'aimerais voir ce que vous continuez de faire, etc. Et puis, il est venu, et il avait, dans le cadre de ses études, fait un stage de 6 mois chez Orange, où il a créé un algorithme pour refroidir les datas d'Orange. Oh, évidemment, tous les chefs d'Orange sont penchés sur son œuvre, et ont dit, mais c'est quoi ça? Il nous trouve en 6 mois ce qu'on cherche depuis des années avec son gros bêta qui balance comme ça sur le tableau noir en nous disant si tu mets le bêta là tu vas refroidir, si tu le mets là ça va réchauffer. Et alors Orange lui dit monsieur, après votre stage on va vous embaucher. Manque de peau, la DRH d'Orange ne fait pas bien son travail, il y a une différence entre l'annonce à Pôle emploi et le contrat qu'on donne au préfet. Si bien que le préfet dit non, on fait pas le contrat. Et ce jeune-là me dit, est-ce que je peux venir à Nancy? Et il me dit, est-ce que je peux venir à Nancy? Parce que j'en peux plus, quoi. J'en peux plus. Est-ce que je dois repartir en Algérie? Qu'est-ce que je dois faire? Et il est venu chez moi, et puis un jour, il me dit, écoutez, moi, mon père m'a mis au monde, il avait 70 ans. Et ça me manque. J'ai tout. Il me dit, voyez, je fais des choses formidables au niveau de la science, mais j'ai pas de père. Et j'aimerais avoir un père comme vous. Donc je vais avoir un fils. De 36 ans. T'as adopté. On a commencé, on a été chez le notaire, on a fait le contrat d'adoption. Donc il y a des grandes chances que ça continue. Et alors, en attendant, je continue mon travail. Et par exemple, là, je fais un livre au Maroc, un livre justement qui va permettre de rapprocher les trois écritures, parce que j'en ai assez des querelles qui ne servent à rien entre les peuples. Il faut montrer aux gens que quand on écrit en Tifina au Maroc, en parlant d'un dessin, c'est la même chose que quand on écrit en tamazight latin en kabylie, c'est la même chose que quand on latin, écrit un caractère en latin, français. Oui. Voilà. Donc on va faire un livre avec les trois écritures comme ça. D'accord. Donc Tifinagh, berbère en Tifinagh, en latin et en français. Alors pourquoi Tifinagh? Parce que évidemment, les peuples ne s'entendant pas, les commissariats chargés des langues ont décidé au Maroc d'utiliser le Tifinagh parce que les Algériens travaillent en tamazight latin, pas pour autre chose. Oui, c'est un choix qui a été bien étudié. Et moi, je n'ai pas à prendre parti pour l'un ou pour l'autre. C'est pas mon rôle, je suis français. Oui. Moi, je suis simplement là pour dire, attendez, vous avez un dessin magnifique. Isha Bouchkouyou, j'ai les cheveux blancs. Moi aussi, j'ai les cheveux blancs. Et Isha Bouchkouyou, ça s'écrit... Ça s'explique comme ça en Tifinagh au Maroc, et ça s'explique comme ça en Kabylie, en tamazight latin, et ça s'explique comme ça en français. pour essayer de rapprocher les gens. À partir d'un dessin, on rapproche les gens. Exact. Et sans faire un fleuve de mots, etc. On fait trop de livres. Moi, j'en veux beaucoup à tout ce qu'on a fait au niveau du livre en berbère qui n'est pas lu. Parce qu'on a sorti depuis 2000, alors qu'avant il n'y en avait pas, on en a sorti beaucoup trop, et que les gens ne lisent pas. On a noyé les gens. Quand on fait un livre de contes, pensons aux enfants. Un enfant qui lit un livre de contes aujourd'hui, je lui tire mon chapeau. Il y a trop de mots et pas assez de dessins. Ouais. L'enfant, il s'en fout des mots. Il s'en fout de la grammaire. C'est pas par là qu'il faut commencer. Il faut que les instruits, il faut que les savants sachants se mettent dans la peau de l'enfant avant de faire des livres. Oui, mais Charlie Chaplin a tout compris avec le muet, effectivement. Et au lieu de faire des livres, si on a 80 ans et qu'on est instruit, il vaut mieux aller sur la place du village et prendre 4 enfants autour de soi et lui dire, voilà, je vais t'apprendre comment on dit papa, comment on dit maman. C'est mieux. Ouais. Il faut arrêter tout ça. On fait des livres pour rien, alors que les enfants, pendant ce temps-là, ne parlent plus leur langue. Au Maroc, par exemple, quand j'ai amené un livre pour apprendre le français au fils de mes amis qui est d'origine berbère, et le gamin, il montre le chien, il a 3 ans, et il me regarde, il me dit « dog ». J'ai dit « mais on a tout faux ». T'as le dénominateur commun, finalement, entre l'Europe et l'Afrique du Nord, t'as un peu un dénominateur commun. Connaissant les deux histoires, les deux cultures, c'est rare. Hein. Julien, écoute, on arrive à la fin de l'émission. On te remercie d'être venu. On aura une autre occasion pour reparler de tous ces sujets-là. Et pardon, c'est long parce que c'est vrai que je suis passionné. Voilà, on te remercie. On reprendra ça un jour ou l'autre. Inch'Allah. Voilà, au revoir Julien et un de ses jours. Éclat de lumière sur Fadjet. Un mois de mars riche en événements pour Lumière en Art. Une émission Éclat de lumière très dynamique. Et puis pour clore un peu l'agenda des festivités, on voulait dire quelques mots en littérature de l'édition de Livres d'ailleurs. Alors on va pas égrener tout le programme, ça serait trop long. Cette année, le thème choisi, c'est l'Orient. Un programme très riche qui vous fera voyager dans différentes cultures littéraires. Et puis on a simplement voulu donner un petit coup de cœur à la présidente de cette édition. Donc Kasmaï Sorour, qui est romancière, traductrice, éditrice en français, elle écrit en français, en persan. Et notamment avec un roman que certains de vous, chers amis auditeurs, connaissez peut-être. Donc, sur le cimetière de verre. Elle dirige également, aux éditions Actes Sud, la collection Horizon Persan. Alors, cet événement littéraire, cette année, aura lieu à l'hôtel de ville de Nancy, dans les grands salons, du 28 au 30 mars. Donc, accès libre, date à retenir. Et avec, donc, ce thème de l'Orient. Nous saluons toute l'équipe de bénévoles. Il y a également les conseillères littéraires Elisabeth, Kenza, Mathilde qui ont fait un travail absolument énorme pour cette manifestation. Quand on voit le nombre de pays présents, c'est assez impressionnant. Et puis évidemment, dans l'équipe, tout ça ne serait pas possible sans les animations pour les conférences et les discussions avec les modérateurs. Nous saluerons en particulier Camille Delabarre et Laurence Gillot, journaliste, et puis notre amie Sarah Jorian Dengue, donc qui intervient et qui est par ailleurs, comme beaucoup d'entre vous le savez, est directrice de l'antenne Grand Est du Laboratoire des Histoires. Donc un événement à ne pas manquer, le programme sera retrouvé sur le site de Lumière en Art. Et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine émission, donc en avril, et nous retrouverons à la barre, au Cap, Victor Belin. Merci à tous.